avec un match à élimination directe. Voilà, le match le plus difficile qui soit, c'est le quart de finale, on l'a toujours dit. Ça a toujours été rude, ça a toujours été accroché, quel que soit notre adversaire. Et j'en attends pas moins de ce prochain quart, parce que ça va être un très gros match, mais on l'attend depuis très longtemps, on s'est préparé depuis très longtemps. On joue bien, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Et voilà, on arrive en confiance, on a mis tout de notre côté pour être en forme pour ce quart de finale. Nicolas Karabatic au micro de Jérôme Milagou pour RTL. Hier, les Français ont récolté 5 médailles, 2 en argent et 3 en bronze. Mais l'image de la nuit, c'est Renaud Lavillenie en larmes sous les sifflets du public. Sur le podium olympique, pour recevoir sa médaille d'argent, le perchiste a été copieusement hué et n'a pu retenir ses larmes. Les JO de Marie-Jo. Et on le sait, à chaud, Renaud Lavillenie a eu des propos critiques contre le public brésilien, mais il garde le soutien des Français. Ce sont les JO de Marie-Jo. Mon coup de cœur, c'est Lavillenie, c'est Renaud Lavillenie, tout simplement parce que je trouve qu'il a été vraiment malmené. Il avait les larmes aux yeux sur le podium. Sincèrement, on ne s'attendait pas à ça. Enfin, moi, j'ai discuté avec beaucoup de sportifs, en fait, ici. On était vraiment choqués. C'était horrible. C'était insupportable de voir Renaud avec les larmes aux yeux sur ce podium. Vraiment, ça nous a fait très mal. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment du mal. J'ai regardé toute la journée ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Ils ont vraiment été très, très durs avec lui. Et pourtant, il n'a eu qu'un geste. Un geste après que le public, en fait, s'était mal comporté. Hein, puisque pour moi, lorsqu'on est dans un stade olympique, on n'est pas là pour siffler. On est là pour encourager tout le monde. On doit respecter le lieu et surtout les athlètes. Alors j'ai rencontré Jonathan Edwards, qui est le plus grand triple sauteur de l'athlétisme. Et donc il me disait que le président du CIO, Thomas Bach, Bubka, et puis Sébastien Coe, donc le président de la Fédération internationale d'athlétisme, juste après la cérémonie, ils ont reçu Renaud dans le salon du stade olympique. Et donc là, ils l'ont réconforté. Et c'est une très belle image. Et vraiment, je pense qu'il en avait vraiment besoin. Marie-Josée Pérec avec Jean-Michel Rascol à Rio. Les courses? Elles ont lieu à Enghien aujourd'hui, les pronostics de Bernard Glass. Le 5, le 4, le 7, le 8, le 2, le 16, le 6, le 3. La dernière minute de Bernard, c'est le 16. Elle, catwalk. Merci, Catwoman. Olivia Leray. À demain. À demain. RTL 9h11. On va se promener avec Laurent Deutsch dans Paris, ne bougez pas. Trois enfants à la maison, ça en fait des bouches à nourrir. Avec la carte de fidélité Intermarché, profitez tous les jours de 10% en avantage carte sur tous les produits pâturage, Chabrior, Paquito et Apta. Et ça, nous sommes les seuls à le faire. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Rejoignez notre communauté, famille nombreuse sur intermarché.com. Offre soumise à conditions, voire conditions complètes à l'accueil de votre magasin et sur intermarché.com. Moi, quand j'aurai perdu du poids avec Comme J'aime, j'irai faire du shopping direct. Moi, je recommencerai le sport. Et ben moi aussi j'irai faire du shopping. Moi, quand j'aurai perdu du poids avec Comme J'aime, je profiterai de la vie, tout simplement. Nouveau, Comme J'aime lance cet été Turbo Plus pour perdre vos 5 premiers kilos encore plus vite. Testez une semaine sans payer, puis bénéficiez jusqu'à 45% de réduction. En plus, le coaching et la livraison sont gratuits. Appelez tout de suite le 0800 507 507. 0800 507 507. Appel gratuit depuis un fixe. Oud gère tout dans la maison. Oud gère tout ce que je veux. Je veux Oud. Entre le travail, les enfants, la maison, le jardin, si on veut tout faire soi-même, on cavale toute la journée. S'alléger la vie, c'est ça l'idée. Confier à des personnes expertes et de confiance les tâches qui vous envahissent. Le bien-être, ça s'aménage. Le bonheur, ça s'organise. Renseignez-vous sur o2.fr. Et moi, je vois la vie. Au fil des rues. Avec Laurent Deutsch. Sur RTL. Et comme tous les jours sur RTL, on a le plaisir de retrouver Laurent Deutsch. Bonjour Laurent. Bonjour Jérôme. Au fil des rues, vous nous faites redécouvrir ou découvrir tout simplement l'histoire de Paris. Et ce matin, on n'est pas loin d'RTL. Nous sommes avenue Montaigne. Avenue Montaigne, c'est pas n'importe quelle avenue. Ah non, non, non, on est dans le 8e arrondissement de Paris, dans l'ouest de la capitale. On est à l'épicentre du luxe et de la richesse. Il faut savoir qu'avenue Montaigne, tous les grands noms de la mode, de la haute couture, des parfumeurs, des joailliers, ils ont leur blason, ils ont leur adresse ici. Et c'est une avenue qui nous conduit des Champs-Élysées Champs-Élysées jusqu'au pont de l'Alma. Donc vraiment, c'est le triangle d'or. Ouais, bon, enfin, ça a pas toujours été comme ça. Hein. Ouais, non, c'est assez marrant de l'avoir comme ça, l'avenue Montaigne, parce que figurez-vous qu'il y a encore 150 ans, elle avait pas du tout cette renommée. D'abord, faut savoir qu'on est ici sur un ancien égout à ciel ouvert. C'était le fameux grand égout qui longeait extérieurement nos grands boulevards et qui donc passait par ici pour se jeter dans la Seine. Et ensuite, quand on a couvert cet égout, on l'appelait l'allée des veuves. Vous savez, c'était un endroit très mal famé, isolé. Pourquoi des veuves ? Eh bien parce que peut-être que certaines femmes, veuves ou moins veuves, allaient vendre leur corps et leur charme contre un peu d'argent sonnant et trébuchant. Donc non seulement c'était sale, mais en plus il y avait de la prostitution. Ah oui, c'était un quartier désert, mal famé, à éviter, et c'était finalement un lieu de prostitution. On est loin de l'avenue Montaigne. Très très loin de l'avenue Montaigne. Alors comment elle va obtenir cet éclat qu'elle a aujourd'hui cette avenue ? Elle a mis du temps. Elle a mis du temps à se débarrasser de cette mauvaise réputation. On lui a donc attribué le nom de Montaigne en 1850, au moment où on a tenté par tous les moyens d'attirer les propriétaires vers ce quartier malfamé. Et ça fait penser d'ailleurs à une anecdote amusante pour tout le quartier. Vous avez remarqué ici, il y a beaucoup de noms de rues qui renvoient aux lumières de la Renaissance. Bah oui. On a la rue François 1er, on a la rue Bayard qui était son célèbre chevalier, ouais. On a aussi la rue Jean Goujon qui était sculpteur. Eh bien ça, c'était quelque chose de tout à fait volontaire, parce que s'il n'y a jamais eu de monument important de la Renaissance au 16e siècle, il y a un monument qui a quand même été amené ici en 1822 par une bande de promoteurs immobiliers pour mettre en valeur le quartier. Attendez, je vous arrête. On fait venir un bâtiment ici pour attirer les gens qui veulent acheter dans le quartier. Exactement. Ces mecs-là ont été dénichés à Moret-sur-Loing. On est à 80 km de Paris. Un magnifique bâtiment Renaissance, hein, vous voyez, assez ronflant, assez pompeux. Ils l'ont posé là et donc ils ont dit à des gens qui seraient des futurs propriétaires, venez habiter ici. Regardez, vous êtes juste à côté de ce magnifique monument Renaissance dans la rue François 1er. Bref, c'est ronflant, c'est pompeux, c'est pour vous. Et bien pour beaucoup, ce matin, c'est un mythe qui s'est effondré brutalement et douloureusement. Merci beaucoup, j'en suis Laurent navré. Deutsch. Il n'y a que la vérité qui blesse. Merci, Laurent Deutsch. À demain. Retrouvez Métronome 2 de Laurent Deutsch dès le 1er septembre aux éditions Michel Lafon. C'est un drame. Bruno Guillon, Caroline Diamant, bonjour. Pourquoi c'est un drame ? Parce que nous avons 30 secondes de retard. Oh, j'ai peur. On va pas être regardant avec ce genre de choses. Ah, ouais. Vous êtes l'animateur vedette, le présentateur vedette des infos le matin. Ouais, vous voulez déborder, vous débordez, ah, oui, puis d'accord. C'est tout. Voilà. Bah, demain, vous voulez 5 minutes, vous prenez 5 minutes. Mais non, mais demain, on va jusqu'à 10h alors, Caro. D'accord. Surtout si vous mettez de la musique comme ça, un peu ambiance années 80. Forget me not. Ça, c'est Hervé Pépion, ça, il adore ça. Bah, c'était pour vous réveiller, même si on a pensé à vous fortement à 7h10. Oui. Quand moi, on se réveille à 7h10. J'attendais mon message à 7h01, je suis désolé. C'est vrai ? Bon, les amis, on vous retrouve demain. À demain, bonne émission. Alors à demain, et vous l'aurez vraiment à 7h01. Bon, j'espère, on vous embrasse. D'accord, allez, à demain. Au revoir. Dis Franck, t'as déjà acheté les fournitures de Zoé ? Parce que chez Carrefour, on nous garantit le prix le plus bas sur 200 fournitures scolaires de marque. Bien sûr, pas vrai Zoé. Alors, pour les stylos, c'est des Bic. Voilà, et tes cahiers ? Des Clairefontaine. Tu vois Val, je te l'avais dit, on a tout trouvé pour la rentrée chez Carrefour. Et même des économies. Carrefour garantit le prix le plus bas sur 200 fournitures scolaires de marque et vous rembourse deux fois la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Modalité sur carrefour.fr. Cahier 96 pages 24x32, grand carreau Clairefontaine, Bic Cristal assorti par 5. Carrefour. Le zéro, ça vient des Grecs, non ? Mais non, le zéro, c'est les Indiens, tout le monde le sait. Non, le zéro, c'est les Arabes ou les Chinois. Les Indiens. Excusez-moi. Bah si, les Chinois. Excusez-moi. Est-ce que je vous écoute les Chinois. En fait, c'est Ford. Ah oui, on en a parlé. En août seulement, découvrez le crédit à 0% sur la gamme Ford et profitez de remises jusqu'à 5 800 €. Crédit auto 0%, 2 000 € d'apport pour 10 000 € empruntés, puis 36 mensualités de 277,78 €. Montant total du 10 000 €, coût du crédit pris en charge par Ford Crédit si acceptation du dossier selon stock disponible, voir Ford.fr. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Bonjour et bienvenue sur RTL, c'est mercredi, c'est le 17 août, c'est le grand quiz de l'été et nous sommes une nouvelle fois partis pour quasiment 2 heures de jeu. Mais pas que. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en appelant le 3210. Vous pouvez envoyer RTL au 74 900. Ce matin encore, bien sûr, des séjours à Disneyland Paris à vous offrir. Partir en famille, c'est pour 4 personnes. Allez découvrir le nouveau spectacle Mickey et le magicien. Chanter avec les héros de la Reine des Neiges. 2 jours de rêve, donc pour 4 personnes, avec accès illimité pour les deux parcs. Et l'hébergement à l'hôtel Sequoia Lodge. C'est ni plus ni moins ce que vous allez gagner ce matin. Et puis des chèques de 1 000 €. Si vous avez la bonne idée d'enchaîner 10 bonnes réponses d'affilée. Dans cet exercice, comme chaque matin, je suis accompagné par la seule, l'unique... Caroline Diamant. Bonjour Bruno. Ça va Caroline? Oui, très bien. Toujours contente d'être là. Mais ça se voit, ça s'entend. Écoutez, j'espère. Vous êtes en pleine forme? On peut accueillir le premier candidat? On peut l'accueillir, on peut lui offrir des petits canapés, l'installer dans un grand canapé, on peut tout faire. Bon, bah écoutez, voyons ça, on va voir s'il est open sur le sujet. Laurent est avec nous depuis les Yvelines. Bonjour Laurent. Bonjour Bruno, bonjour Caroline. Bonjour Laurent. Et bienvenue sur l'antenne d'RTL. Vous êtes précisément à Triel-sur-Seine. C'est cela, oui. Pas très loin des Mureaux, etc. Exactement. Voilà. Que faites-vous dans la vie, Laurent? Eh bien, écoutez, je suis auteur, donc je suis scénariste de bande dessinée, entre autres, et j'écris aussi des piges pour divers magazines. Oh, c'est intéressant. C'est que vous êtes en train de parler à un fan de bande dessinée. Oui, je sais. Alors, quelle est votre BD favorite? Bah écoutez, je pense que dans les grands classiques, Spirou et Fantasio... Époque Franquin? Époque Franquin et puis aussi époque Tom et Jean-Ville. Oui, Tom et Jean-Ville. Ah ouais, moi, c'est moi mon époque. Oui, voilà, exactement, j'en doutais pas. Non, mais vous n'avez pas la bande dessinée, Caroline? Non. Les Tintins, les Black et Mortimer, non. Les Lucky Luke. Non. Alors j'espère que c'est pas un motif pour me rouer de coups. Mais... C'est pas un motif de divorce, mais enfin, j'avoue quand même que. Mais pourquoi? Je vous laisserai tranquille pendant que vous lisez vos bandes dessinées. Bon, bah surtout qu'en général, vu où je les lis, il y a peu de chances que vous veniez m'embêter. Laurent, allez, une belle chanson là, vous, j'avais choisi hors antenne pour vous détendre un peu avant de répondre aux questions. There was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Leonard Cohen. It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled. Quelle voix, Leonard Cohen. Magnifique. Bon, on aurait pu mettre Suzanne, Everybody Knows, mais il faut qu'on joue, Laurent. Et surtout, il faut que vous jouiez. C'est vous qui allez être le maître étalon de cette première heure. C'est vous qui allez établir le score à battre d'ici 10h du matin. D'accord, Laurent? D'accord, très bien. J'espère, à la fin de ce questionnaire, vous voir heureux et sautillant, tel le marsupilami dans une aventure de Spirou et Fantasio. Très bien, on va essayer de faire ça. Eh bien écoutez, ça ne tient qu'à vous, c'est Caroline qui va vous poser les questions pendant une minute. Top chrono, c'est parti. Comment appelle-t-on la couche superficielle de la peau? L'épiderme. Quelle sauce à base de tomates et de viande hachée accompagne les pâtes? Bolognaise. Quelle partie du corps de Clovis Cornillac est difforme dans Bryce de Nice? Je passe. Sur quel continent la région du Bengale est-elle située? Asie. De quel pays vient l'équipe nationale de football surnommée la Mannschaft? Allemagne. De quel groupe Keith Richards est-il le guitariste? Rolling Stones. À Londres, qu'appelle-t-on les Bobbies? Les policiers. Quel super-héros se cache derrière le nom de Bruce Wayne? Batman. Dans quel département se situe l'île Dieu? Charente-Maritime. Quelle année est associée au mot cosmos dans le titre d'une série télévisée? 1999. Dans quelle chanson Michel Delpech rend-il hommage à Dylan et Donovan? White is White. Quel leader politique a exprimé ses idées dans le petit livre rouge? Mao Tse-tung. Bon, eh ben Laurent, j'ai envie de dire qu'il est arrivé extrêmement en forme. Il y en a qui viennent pour participer, lui est venu pour jouer. Ah oui. Laurent. Oui. Cette équipe du Grand Quiz de l'été, c'est une équipe de 76 personnes. Et ces 76 personnes vont se pencher maintenant sur vos réponses. Elles vont les disséquer, les analyser. Cela va passer ensuite dans un ordinateur. Cet ordinateur est relié à une station orbitale autour de la Terre qui va calculer le nombre de vos réponses qui vont nous être renvoyées dans 4 minutes. Le temps pour nous, du coup, d'écouter Michael Jackson et Black or White sur RTL. both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get duller. I'm not gonna spend my life being a color. Whenever you agree with me, when I saw you kicking dirt in my eye. Sur RTL, Black or White. RTL, le grand quiz. Le grand quiz de l'été. Bon, alors, grand quiz de l'été, nous avons attaqué l'émission ce matin avec Laurent qui habite en région parisienne. Laurent, vous êtes toujours là ? Je suis toujours là, oui. Accueil pour Laurent. Laurent, il est arrivé, je peux vous dire. Un grand renfort de tambour et trompette. Alors, on va revenir sur vos réponses. Si je dois revenir que sur les mauvaises, ça va durer 5 secondes, donc on va en prendre aussi quelques bonnes pour écouter 2-3 extraits. Et notamment celle-ci où vous avez passé. À notre grande surprise, j'avoue, quelle partie du corps de Clovis Cornillac est difforme dans Bryce the Nice ? Ce sont ses pieds. Dégage. Je m'appelle Bryce Rodenis, du surfeur winner à Saint-Lost-en-Border. Je suis le roi de la glisse, pas besoin de notice. Sur les autres surfaces, je suis le roi de la casse. Ses pieds sont en fait d'énormes pouces. Il a deux gros orteils en guise de pied, Clovis Cornillac. Ce qui est très ennuyeux pour mettre des tongs et comme lui fait remarquer Bryce the Nice. Bryce the Nice qui revient au cinéma pour le deuxième volet qui s'appelle Bryce 3. Oui, ça me fait beaucoup rire. Il y a une vanne même dans le titre. Bon, Bengale, la région du Bengale, elle est bien évidemment en Asie. De quel groupe Keith Richards est-il le guitariste ? Vous l'avez bien dit, mais ne passons pas à côté du plaisir de s'écouter un petit extrait des Rolling Stones. Dans quel département se situe l'Île-Dieu ? Étant Charentais-Maritime, j'étais ravi que vous nous mettiez l'Île-Dieu dans mon département, mais on a déjà l'île d'Orée, l'île d'Oléron, l'île de Madame, l'île d'Aix. Ouais. Laissons l'Île-Dieu à la Vendée. À la Vendée, oui. Elle est vendéenne. Quelle année est associée au mot cosmos dans le titre d'une série télévisée ? Vous l'avez bien dit, 1999. Générique ! Et après, ça devient disco à mort. Souvenez-vous. Avec Martin Landau dans le rôle du commandant Koenig. Tout le monde me regarde avec des yeux d'extraterrestre. Mais justement, ça se passait dans l'espace. Et alors, en guise d'armes, ils avaient des agrafeuses. Je me souviens de ça quand j'étais petit. Du coup, je jouais avec les agrafeuses. Mais une agrafeuse qui lançait quand même des faisceaux laser, ce qui était quand même beaucoup plus classe. White is white, c'est bon, Mao Zedong, c'est bon. Laurent. Oui. Laurent, je cache pas que vous allez mettre un petit peu la pression aux auditeurs qui vont nous rejoindre maintenant sur RTL, puisque vous avez comptabilisé 10 bonnes réponses. Et 10 bonnes réponses, on va pas se mentir, c'est quand même un très très beau score. Laurent, dans un premier temps, nous vous offrons une montre RTL. Merci. Eh ben de rien. Et on vous dit peut-être rendez-vous tout à l'heure avant 10h pour vous remettre le séjour à Disneyland Paris, d'accord ? D'accord, j'espère bien, oui. Eh bien, okay. On vous embrasse, peut-être à tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est le grand quiz de l'été. Vous voulez jouer, vous aussi ? Venez, n'ayez pas peur. Caroline ne meurt pas. Et Laurent, peut être battu. On peut faire mieux que 10 bonnes réponses, ou on peut égaler ce score pour prétendre gagner le séjour. Vous appelez le 3210 pour jouer avec nous. À tout de suite. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? Tu me mets au parfum ? Ah, bien senti patron, hein. Parce qu'ici, en ce moment, le savon de Provence développé à partir de parfums de grâce est à 99 centimes la pièce de 100 grammes. Moins d'un euro le savon de Provence chez Lidl. Là je le sens pas, tu vois. Ah oui, mais 99 centimes, c'est le vrai prix. Et il y a le choix, hein. Olive, cannelle orange, rose, lavande et patchouli. Toi, si t'arrêtes pas de te faire mousser... Vous me passez un savon, je sais. On est mal, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 9,90€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Vous êtes sur la route des vacances. C'est long, la route des vacances. À l'arrière, les enfants dorment. Du coup, c'est le moment d'en profiter. Les enfants, ça vous dirait qu'on passe chez McDo ? Pas de réponse, je prends ça pour un oui. Vous savez qu'à chaque fois qu'on prend un menu et un Happy Meal, McDo nous offre un DVD et sa copie digitale. Ça vous va si c'est moi qui choisis le film ? Pas de réponse, je prends ça pour un oui. Offre valable pour l'achat simultané d'un menu best-of ou maxi-best-of ou menu salade ou McFirst et d'un menu Happy Meal. Choix du titre DVD parmi 5 titres selon disponibilité en restaurant. Voir conditions sur mcdonalds.fr. Durée limitée. L'ailier qui déborde sur le côté droit. Et c'est les... Avec la Total Sport à 35€ par mois pendant un an, le sport ne s'arrête jamais. Vivez les plus grandes compétitions sur les plus grandes chaînes. L'intégralité du Top 14 et de la Pro D2 en exclusivité sur Canal Plus et Canal Plus Sport. Les Coupes d'Europe de rugby sur beIN Sport, 100% de la Ligue 1 sur Canal Plus et beIN Sport, et toutes les plus grandes compétitions sportives. Rendez-vous sur lesoffrescanal.fr. Offre soumise à condition pour tout nouvel abonnement simultané aux chaînes Canal Plus, Canal Sat 100% Sport et beIN Sport. Géant. Ce sont les jours imbattables chez Géant. Dernier jour pour profiter de 50% de remise en bon d'achat sur le set de cuisson 8 pièces Tefal Ingenio Essentiel Noir à 59€, soit un bon d'achat de 29,50€. Les prix bas, c'est Géant. Bon d'achat valable du 18 au 28 août. Produit signalé en magasin dans la limite des stocks. RTL, le grand quiz de l'été. Bonjour, toujours avec nous, nous toujours avec vous, c'est toujours le plaisir. Il y a un score à battre, 10 bonnes réponses, mais je sais que vous allez tous tenter de le battre, et en tout cas c'est le cas de Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour Caroline et bonjour Bruno. Bonjour Cécile, bienvenue sur l'antenne d'RTL. Merci. Alors vous êtes prof de gestion au lycée. Voilà, à Belfort. À Belfort, puisque vous habitez Giromanie. C'est ça. Le Lyon commune. Va bien. Ah, le lion est toujours là, bien sûr. Et est-ce que les chats vont bien ? Oui, mes chats vont très bien. Voilà, parce que... Bobby et Pamela. Alors, voilà. Mais attendez, Bobby et Pamela, oui. On est d'accord que ça a un rapport direct avec... Alors, pas du tout, ah, figurez-vous. Bobby et Pamela, c'est le couple dans Dallas. Oui, mais alors c'est un petit clin d'œil, effectivement, à cette période de ma jeunesse que j'affectionne. Mais c'est le hasard, voilà. D'accord. Bobby est arrivé en premier, et Pamela, c'est la contraction de Melba et Bella. Voilà. D'accord. Moi, j'ai deux chiens, c'est JR et Suelen, mais ça n'a rien à voir avec la série Dallas. Mais il paraît que votre chienne Suelen ne boit pas beaucoup d'eau. Non. Mais... Et moi, j'avais un vieux chien, Jock. Jock qui est décédé, hélas. Enfin, bon... Cela dit, dans Dallas, il y avait un personnage qui s'appelait Reclaps, hein, de mémoire. Ah oui. On finirait sur cette bande, on les a toutes faites. Bon, ma chère Cécile, c'est pas le tout de rigoler. Il y a un moment donné, il va falloir battre 10 bonnes réponses. Ah et, oui. Et pour ça, il va falloir que je vous confie entre les mains délicates de Bruno Guillon, qui va vous questionner. Cécile, moi, avant qu'on passe à la question, j'ai envie qu'on écoute un peu de musique. Pourquoi ? Parce que nous avons un point commun. Vous adorez un artiste que je vénère et on va pas se priver d'en écouter deux, trois extraits. Il s'agit de Michel Jonas. Ah, super, super. Un jour, les cœurs de pierre, les cœurs de glace auront des larmes et des grimaces devant ma paix. Y a rien qui dure toujours, Michel Jonas, ou encore ça. Oh,

rentrée scolaire avec Carrefour. Ah, et dire que Max et Zoé rentrent déjà en CE2. T'as pensé au stock de colle? Parce que je me souviens, il y en avait des poésies et des cartes de géo à coller. T'inquiète pas, jusqu'au 22 août chez Carrefour, on a 50% d'économie sur le lot de bâtons de colle UU sur la carte Carrefour. Ah, bah à ce prix-là, je vais pouvoir m'équiper pour le CM1, le CMD, la 6ème. Pour une bonne année scolaire avec Carrefour, profitez de 50% d'économie sur la carte Carrefour sur de nombreux produits de marque, comme le lot de bâtons de colle UU. Le lot de 5 bâtons de 8,2 grammes plus un bâton de 21 grammes. Modalité sur carrefour.fr. Carrefour. Intersport. Paul, ça fait combien de temps qu'on n'a plus l'âge d'aller à l'école? 15 ans, pourquoi? C'est la rentrée et je suis nostalgique de ce temps merveilleux. Chloé, ça fait combien de temps qu'on a des grands pieds? Je sais pas pourquoi. Je suis nostalgique de ce temps merveilleux où on pouvait avoir des chaussures Umbro à 19,99€. En ce moment, chez Intersport, les chaussures juniors Umbro Hartfield sont à 19,99€ au lieu de 34,99€, soit 42% de réduction. Intersport, le sport commence ici! Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Conditions, dates et listes des magasins participants sur intersport.fr. RTL, le grand quiz de l'été. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Cécile est au territoire de Belfort. Et dans le territoire de Belfort, à Giromagny, elle va tenter de battre les 10 réponses de Laurent. Cécile, est-ce que vous êtes prête? Oui, je suis prête, merci. Eh bien, nous y allons, top chrono. À quelle chanteuse doit-on le tube Voyage, Voyage? Vous ne savez pas, vous passez. Je passe. Dans quel pays le Grand Prix de Formule 1 de Kuala Lumpur se dispute-t-il? Dans quel pays? Oui. En Inde. Sous quel nom le comédien Fernand Contandin est-il passé à la postérité? Fernandel. Quelle ville est le chef-lieu du département de la Sarthe? La Sarthe, c'est le Mans. Quel est l'animal dont la corne désigne une pâtisserie orientale en forme de croissant? Une corne de gazelle. Quel accent y a-t-il sur le deuxième E du mot fenêtre? Un accent circonflexe. Quel réalisateur a présidé le jury du dernier festival de Cannes? Je sais pas, peut-être une chaude, mais je pense. À 7, qu'est-ce qu'une tielle? Pâtisserie. En 2007, qui incarne Jacques Croquant au cinéma? Jean Reno. Quelle arme était le symbole du dieu grec Poséidon? C'était un trident. Eh bien, je vais prendre le trident, bien sûr. C'était un quoi? Un 2, un 3 trident? Je ne m'en rends pas compte. Ça fait longtemps que je vais aller en vacances au Poséidon. Vous vous prenez pour Poséidon. Bon allez, on revient sur vos réponses, Cécile, avec Caroline tout de suite. Grâce à cette chanson, elle a fait le tour du monde avec un seul tube. On l'écoute, c'est Désirless. Voyage, voyage. Et quelle coiffure! Je ne fais pas de commentaires sur le capel en ce qui concerne. Et alors, elle a fait un deuxième single qui s'appelait John. Voilà. Tout le monde me fait un signe oui de la tête dans le studio. Je sais pas si c'est une vanne ou si c'est la vérité. Non, non, c'est vrai. Ah, d'accord. Je fais John est mort en plein vol. Bon, ça a moins marché que Voyage, oui, Voyage, oui. On va pas se mentir. Ça, c'est moins immédiat dans la tête de tout le monde. Mais François Touchard, qui réalise cette émission, peut très très vite vous sortir un extrait de John avant la fin des vérifications de ce questionnaire. Mais ce sera avec joie. Il peut le faire parce que sinon, c'est un licenciement économique. C'est ça le deuxième. Ah, Désirless. Maintenant ça me dit quelque chose. Mais je vous chanterai pas les paroles même si vous me torturez. C'était ça le refrain. Non, c'est pas ça. Pose pas. Allez, ça aurait pu être un refrain. Kuala Lumpur, le prix de Formule 1 de Kuala Lumpur se dispute en Malaisie. Ah. Oui. Vous avez reconnu Fernandel sous le nom de Fernand Contandin, qui est son vrai nom, mais on va le reconnaître encore mieux là. Barnabé, Barnabé, c'est assez facile à épeler. Barnabé, Barnabé, B-A-R-B-A-N-A-B-E. Ça fait toujours sourire quand on écoute soit Bourvil, soit Fernandel, c'est toujours joyeux. Le réalisateur qui a présidé le Festival de Cannes cette année, c'est George Miller, le réalisateur de Mad Max, entre autres. Alors, à 7, qu'est-ce qu'une tielle? Vous m'avez dit une pâtisserie. Moi, je vous lis le contenu. C'est farci de poisson et de sauce tomate épicée, originaire d'Italie. Si on a envie de le manger en dessert, on peut. Alors, je ne pense pas, du coup, qu'on le mange en pâtisserie. C'est plutôt une tourte. J'aurais essayé, Cécile. Alors, Jacou le croquant est incarné par Gaspard Ulliel, le très beau Gaspard Ulliel, dans un film de Laurent Boutonnat, et qui est célèbre pour ses collaborations avec Mylène Farmer. Mylène Farmer, qui avait signé un single dans la BO du film. Nous amène, ma chère Cécile, à un total, mais j'imagine que vous vous en doutiez, que vous n'aviez pas battu 10 ou égalé 10 bonnes réponses. Non, c'est pas catastrophique. Non, c'est bien, 5 bonnes réponses. Mais il y a eu un excellent candidat avant, mais vous avez 5 réponses. Cécile, montre RTL, on vous envoie ça très très vite du côté d'Iromani. Merci beaucoup, c'est gentil. En tous les cas, j'aurais eu le grand plaisir de vous parler. Vous êtes deux animateurs radio que j'apprécie particulièrement. Bruno pour la grande histoire sur les radios et Caroline parce que les grosses têtes. Sans vous, ce ne serait pas les grosses têtes. Voilà. Oh, merci. Je vais le dire à Laurent Ruquier. Cécile. Et je fais un petit coucou à ma belle-sœur Lisa parce que je sais qu'elle m'écoutait et qu'elle me soutenait de loin depuis Besançon. Mais voilà, ça n'a pas suffi. On vous embrasse, on vous envoie une montre RTL. Merci beaucoup. Au revoir, Cécile. Au revoir, Bruno. Au revoir, Caroline. Merci. Mais trop d'amour, mais trop. Mais je ne suis qu'amour ce matin, ça m'émeut. Vous savez quoi, on pourrait jouer maintenant, il me faut une petite pause, moi, pour me remettre de mes émotions. Vous appelez le 3210, vous allez jouer avec nous en direct, le temps d'écouter Chic. Oh, everyone, it's up to you. chanson préférée de votre centre des impôts. Le fric, c'est chic. Le freak d'ailleurs, pour tout dire. C'était chic sur RTL. Leclerc. Ça, c'est un bon plan. Le Dirt Devil, un aspirateur sans sac à technologie cyclonique à moins de 60 euros chez Leclerc. Du 16 au 20 août, le très bon plan Leclerc, c'est l'aspirateur Dirt Devil à 59,90€, dont 50 centimes d'éco-participation au lieu de 69,90€, soit 10 euros de réduction. Un aspirateur comme ça, à ce prix-là, c'est que chez Leclerc. Ouépa ! Alain Afflelou, l'été fou continue jusqu'au 31 août chez Afflelou. Oui. Chin Chin, cet été ce n'est pas une, mais deux lunettes de plus pour 1 euro de plus. Oui. Et la troisième paire ? Pour vous ou pour qui vous voulez. C'est fou. C'est fou, c'est Afflelou. Chin Chin, jusqu'au 31 août, c'est deux lunettes de plus pour 1 euro de plus. Voir conditions en magasin, dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien. Du 23 au 28 août, le cinéma est à l'honneur au film francophone d'Angoulême. Un jury d'exception, co-présidé par l'expert Gilles Jacob et la talentueuse Virginie Efira. 10 films en compétition venus de la francophonie et inédits en France. 16 avant-premières, en exclusivité mondiale, un focus sur l'œuvre de la réalisatrice Catherine Corsini et le cinéma libanais mis à l'honneur. Le festival du film francophone d'Angoulême, du 23 au 28 août, avec RTL. Vous êtes sur la route des vacances, c'est long la route des vacances. À l'arrière, les enfants dorment. Du coup, c'est le moment d'en profiter. Les enfants, ça vous dirait qu'on passe chez McDo ? Pas de réponse, je prends ça pour un oui. Vous savez qu'à chaque fois qu'on prend un menu et un Happy Meal, McDo nous offre un DVD et sa copie digitale. Ça vous va si c'est moi qui choisis le film ? Pas de réponse, je prends ça pour un oui. Offre valable pour l'achat simultané d'un menu best-of ou maxi-best-of ou menu salade ou McFirst et d'un menu Happy Meal. Choix du titre DVD parmi 5 titres selon disponibilité en restaurant. Voir conditions sur mcdonalds.fr. Durée limitée. À tous ceux qui rêvent d'une rentrée à petit prix, jusqu'au 13 septembre, les tops de la rentrée sont chez Conforama. Comme le lave-linge Indésit 5 kg à 249,24€ au lieu de 329,99€. Soit 25% de remise. Alors, elle est pas belle cette rentrée ? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions sur conforama.fr. RTL, le grand quiz de l'été. Eric habite à côté de Brétigny sur Orge et il nous rejoint tout de suite sur l'antenne d'RTL. Bonjour Eric. Oui, bonjour Caroline, bonjour Stéphane. Non, Bruno, Stéphane c'est l'autre. Mais vous savez, je le respecte, pardon. Et je l'aime tellement, Stéphane Guillon, que j'accepte l'affiliation, même si on n'a aucun lien de parenté. Aucun lien. Aucun lien. Non, vraiment, c'est vrai. Non, mais je peux imaginer, les Lemoines qu'on connaît, Jean-Luc, Annie, tout ça, n'ont pas de lien de parenté. Mais Virginie. Parce que les gens se disent que la télévision, la radio, c'est une grande famille, c'est pour ça. Eric, vous habitez Vers-le-Grand, vous êtes infirmier. C'est bien ça ? Exactement, oui, oui. Et vous avez une passion pour le métal. Je suppose que ce n'est pas la matière que l'on travaille, mais la musique. Exactement. Un petit peu d'Iron Maiden sur RTL, ça fera de mal à personne. Bien. Et puis un peu avant 10h, ça réveille la France. Enfin, en tout cas, ça n'empêche d'endormir celle qui se couche tard. C'est ça. Bon, Eric. Oui. C'est sur cette air d'Iron Maiden que je vais vous rappeler votre mission de ce matin. Tentez. Je crois qu'elle va être dure. Hein. Oui, tentez d'égaler les 10 bonnes réponses que Laurent nous a données en début d'heure. Cela vous permettrait de prétendre au séjour à Disneyland Paris qui est en jeu. D'accord ? Si en plus ces 10 bonnes réponses vous les donnez d'affilée, vous pouvez prétendre un chèque de 1000 euros. Petit conseil que je rappelle, mais c'est important, Cécile s'en est mordu les doigts tout à l'heure, mais quand vous ne savez pas ou quand la réponse vous l'avez mais elle ne revient pas tout de suite, le mieux c'est de passer. Nous sommes d'accord ? Nous sommes d'accord. Eric, c'est Caroline qui vous pose les questions. Top chrono, c'est parti. À quelle heure le carrosse de Cendrillon redevient-il citrouille chez Perrault ? Minuit. Quel navigateur s'embarque sur la Santa Maria pour traverser l'Atlantique ? Christophe Colomb. Généralement, sur quelle partie du corps porte-t-on une chéchia ? Sur la tête. En 87, avec quel chanteur Jocelyne Béroard interprète-t-elle Collé Serré ? Philippe Laville. Quelle profession a rendu le nom de Harry Houdini mondialement célèbre ? La magie. Dans quel sketch des Inconnus entend-on, vous m'avez dit de dire Hardy ? Le télémagouille. En cyclisme, comment s'appelle la voiture qui suit le peloton pour récupérer les coureurs qui abandonnent ? La voiture balai. À quel mot correspond la lettre S dans le sigle du diplôme BTS ? Supérieur. Qui a été le dernier président élu pour 7 ans en France ? Jacques Chirac. Comment appelle-t-on la disparition temporaire d'un astre due au passage dans l'ombre d'un autre ? Une éclipse. Qui est indissociable de Bartolomeo Vanzetti dans une célèbre affaire judiciaire ? Nicolas Sacco. Bon, bah écoutez, alors... Là, moi, vous savez quoi ? Histoire qu'on reprenne notre souffle, ah, petit oui. extrait. John Bay, Sacco et Vanzetti. Tenez, here's to you, Nicolas. Vous vous souvenez ça ? Cher Eric. Là, j'ai une erreur, je crois, sur le. C'est pas Christophe Colomb, c'est Marco Polo. Sur le navigateur qui s'embarque sur la Santa Maria ouais. pour traverser l'Atlantique. Ouais. Vous savez quoi, moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse une petite pause. Avant de revenir sur vos différentes bonnes réponses. D'accord. D'après vous, vous en avez combien ? Bon, j'ai pas eu le temps de compter. Hein. Bon. Vous savez quoi, on fait une pause et on voit ça juste après. D'ailleurs, on va reprendre Laurent. En ligne avec nous, qui est déjà là, qui peut être à compter. Laurent ? Oui. Vous avez compté les bonnes réponses ou pas d'Eric ? Oui, je les ai comptées, oui. Vous en avez trouvé combien, vous ? 11. Bon, écoutez, on va voir ça dans quelques secondes. Vous restez sur RTL. Le zéro, ça vient des Grecs, non ? Mais non, le zéro, c'est les Indiens, alors, tout le monde le sait. Non, le zéro, c'est les Arabes ou les Chinois. Les Indiens. Excusez-moi. Bah si, les Chinois. Excusez-moi. Est-ce que je vous écoute à la... En fait, c'est Ford. Ah oui, ah. On en a parlé. En août seulement, découvrez le crédit à 0% sur la gamme Ford et profitez de remises jusqu'à 5 800 €. Crédit auto 0%, 2 000 € d'apport pour 10 000 € empruntés, puis 36 mensualités de 277,78 €. Montant total du 10 000 € coût du crédit pris en charge par Ford Crédit si acceptation du dossier selon stock disponible, voir Ford.fr. Moi, quand j'aurai perdu du poids avec Comme J'aime, j'irai faire du shopping direct. Moi, je recommencerai le sport. Et ben moi aussi j'irai faire du shopping. Moi, quand j'aurai perdu du poids avec Comme J'aime, je profiterai de la vie, tout simplement. Nouveau, Comme J'aime lance cet été Turbo Plus pour perdre vos 5 premiers kilos encore plus vite. Testez une semaine sans payer, puis bénéficiez jusqu'à 45% de réduction. En plus, le coaching et la livraison sont gratuits. Appelez tout de suite le 0800 507 507. 0800 507 507. Appel gratuit depuis un fixe. Géant. Ce sont les jours imbattables chez Géant. Dernier jour pour profiter de 50% de remise en bon d'achat sur l'unité centrale Hewlett Packard Slimline à 359 €, soit un bon d'achat de 179,50 €. Les prix bas, c'est Géant. Bon d'achat valable du 18 au 28 août. Produit signalé en magasin dans la limite des stocks. RTL. Le grand quiz. Le grand quiz de l'été. Grosse première heure ce matin avec de très bons candidats. Et le dernier en lice, c'est Eric qui a joué avec nous tout à l'heure. Eric de Vert-le-Grand qui est infirmier, qui est fan de métal. Eric. Oui. On revient sur vos réponses puisque vous aviez un doute notamment sur une question, celle-ci. Quel navigateur s'embarque sur la Santa Maria pour traverser l'Atlantique ? Vous m'avez dit Christophe Colomb. Et c'est Christophe Colomb. À quelle heure le carrosse de Cendrillon redevient-il citrouille chez Perrault ? Oui, c'est à minuit. Oh, Bella ! J'allais oublier. Rappelle-toi que la magie ne sera pas éternelle. Lorsque les cloches sonneront minuit, au dernier coup de minuit, le charme sera rompu. Et alors tout redeviendra comme avant. Minuit. Minuit. C'est plus de temps qu'il n'en faut. C'est bien entendu Philippe Laville qui chantait aux côtés de Jocelyne Berroir ce tube de 1987. Collé, serré, nous c'est que cadencé. Si nous t'es pas temps pour nous, voilà. Collé, serré, nous c'est que cadencé. Je parle créole comme un oreille, hein, donc, excusez-moi. J'espère que vous dansez mieux le zouk que vous ne parlez le créole. Oh là là, je ne vous le conseille pas. Dans quel sketch des inconnus entend-on ? Vous m'avez dit de dire Hardy ! Oui, Télémagouille ! Il s'agit du jeu du couple. Vous connaissez le principe, vous regardez l'émission souvent. Je vous donne la première moitié d'un couple célèbre, vous me donnez l'autre moitié. Vous voyez, c'est enfantin, on peut y aller ? Vous pouvez répéter la question ? Mais non, c'est. Je vous donne un exemple si vous voulez. Par exemple, je vous dis Laurel et vous me répondez Hardy. Hardy. Voilà. Joli couple célèbre avec Véronique, c'est parti tout de suite, top chrono, Roméo et Hardy. Et après, il y a Laurel et Hardy, forcément. Tout le monde se souvient de ce sketch culte. Eric. Oui. Et Laurent. Oui. Deux très bons candidats. Mais à la fin, il ne peut y en avoir qu'un. Et contre toute attente, il n'y a pas d'égalité entre vous. Laurent, vous avez donné 10 bonnes réponses. Eric, vous avez donné 11 bonnes réponses. Wow. Et 10 réponses d'affilée, cela veut dire que dans un premier temps, vous gagnez 1000 euros cash. Yeah. Bravo! Super! On est heureux pour vous! Et à ce chèque de 1000 euros, nous rajoutons le séjour à Disneyland Paris pour 4 personnes. Vous allez partir en famille, si vous le souhaitez, cher Eric. Ah bah bien sûr, oui. Découvrir le nouveau spectacle Mickey et le magicien et chanter avec les héros de la Reine des Neiges. 2 jours de rêve avec des entrées illimitées pour les 2 parcs, Disneyland Paris, Walt Disney Studios. Et vous serez logé à l'hôtel Sequoia Lodge avec les déjeuners offerts, cher Eric. Super, super. Passez une belle journée. Ah bah bien sûr. Elle commence bien. On peut pas te dire mieux, hein, quand même. Hein. Laurent, vous embrasse également. Merci d'avoir joué sur RTL. Merci beaucoup. Merci Laurent. Une première heure riche en rebondissements. Ah, mais extraordinaire. Qu'en sera-t-il de la deuxième? Réponse dans quelques minutes. Vous écoutez RTL, il est 10h. Les infos avec Arnaud Touche. Bonjour Arnaud. Bonjour, bonjour à tous. C'est la première fois qu'il prend la parole à ce sujet. Manuel Valls comprend et soutient les maires ayant pris des arrêtés pour interdire le port du burkini. Il s'exprime aujourd'hui dans les colonnes de nos confrères du journal La Provence. Le Premier ministre précise que ce vêtement n'est pas compatible avec les valeurs de la France et de la République, mais il refuse de légiférer sur ce sujet. Cette mise au point intervient en pleine polémique alors que quelques mairies de France ont pris des arrêtés pour interdire ce type de tenue de plage couvrant le corps et la tête des femmes. Pour la deuxième fois de son quinquennat, François Hollande va rencontrer le pape aujourd'hui. Il est attendu au Vatican 3 semaines après l'assassinat du père Jacques Hamel par 2 djihadistes dans une église de Normandie. C'est une audience privée faite pour resserrer les liens, explique l'Élysée. La sécheresse frappe durement 30 départements français, notamment dans plusieurs zones du sud et de l'ouest de la France. Des mesures de restriction de l'usage de l'eau ont été prises dans 30 départements. Elles prévoient l'arrêt des prélèvements d'eau non prioritaires, y compris à des fins agricoles. Seuls les prélèvements permettant d'assurer les usages prioritaires sont autorisés. On fait désormais un point sur les JO de Rio. RTL Rio 2016. Et aujourd'hui, plusieurs chances de médailles françaises. Tout d'abord à 15h, les quarts de finale de handball à la France affrontent le Brésil. À la même heure, la deuxième manche de la finale de saut d'obstacle par équipe en équitation. À 16h55, la finale du 3000 mètres steeple avec Mayedine Mekessi et Johan Koval. À 17h du taekwondo avec les huitièmes de finale femmes pour les moins de 46 kilos. En voile, à 18h et 19h, 2 chances françaises également. En boxe, la demi-finale des poids légers à 19h15 avec Estelle Mosselli. Et à 19h30, évidemment, une belle affiche, celle des quarts de finale entre l'Espagne et la France pour le basket. Et enfin cette nuit, les demi-finales du 100 mètres F féminin avec Sandra Gomis et Cindy Bio. Et les demi du 200 mètres à 3h cette nuit avec Christophe Lemaître. Au total, hier, la France a gagné 5 nouvelles médailles, mais pas de titre olympique, avec une image forte hier à retenir, celle des larmes de Renaud Lavillenie au moment de recevoir sa médaille d'argent et de monter sur la deuxième marche du podium. Renaud Lavillenie, battu la veille par le Brésilien Thiago Braz au saut à la perche, a de nouveau essuyé les sifflets du public. Les courses, elles ont lieu aujourd'hui à Enghien pour le prix de l'Union de la presse hippique. Il y a 16 partants. Voici les pronostics de Bernard Glass. Le 5, le 4, le 7, le 8, le 12, le 2, le 16, le 6 et le 3. Dernière minute, le 16, L Catwalk. La météo pour cet après-midi marquée par des pluies et des orages sur l'Auvergne et dans les Alpes. Quelques pluies sur la Bretagne également. Partout ailleurs, ce sera couvert à l'exception de la Normandie. Les températures iront de 20 à 32 à Nîmes. RTL, il est 10h, passé de 3 minutes. Tout de suite, vous retrouvez Bruno Guillon et Caroline Diamant pour le grand quiz de l'été. Merci Arnaud, on va vous retrouver tout à l'heure dès 11h sur RTL. Beach Party, le volume 2 de la compilation des années 60. Monday, Monday. George Lang. Beach Party, la plage, le soleil, le surf, les palmiers, les voitures, les vacances, comme en Californie dans les Good Old 60s. This is a man's world. Revivez l'ambiance de l'émission Beach Party sur RTL dans le luxueux coffret Beach Party Volume 2, 4 CD, 116 titres. Le meilleur des années 60, programmé par la voix légendaire des nuits sur RTL. Moi, quand j'aurai perdu du poids avec Comme J'aime, j'irai faire du shopping direct. Moi, je recommencerai le sport. Et ben moi aussi j'irai faire du shopping. Moi, quand j'aurai perdu du poids avec Comme J'aime, je profiterai de la vie, tout simplement. Nouveau, Comme J'aime lance cet été Turbo Plus pour perdre vos 5 premiers kilos encore plus vite. Testez une semaine sans payer, puis bénéficiez jusqu'à 45% de réduction. En plus, le coaching et la livraison sont gratuits. Appelez tout de suite le 0800 507 507. 0800 507 507. Appel gratuit depuis un fixe. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Avant-dernière semaine du grand quiz de l'été, avec ce plaisir quotidien que nous avons de vous accompagner avec Caroline Diamant entre 9h15 et 11h. Petit rappel sur la semaine prochaine, qui sera donc notre dernière semaine avant la rentrée des programmes d'RTL. Vendredi, dans une semaine, nous vous avons prévu une émission un peu spéciale. Puisque ce sont les animateurs emblématiques de votre station de radio RTL qui viendront vous épauler pour tenter de vous faire gagner soit des séjours à Disneyland Paris, soit des chèques de 1000 euros, voire les deux. Et ils seront tous là, de Jacques Pradel à Laurent Ruquier, en passant par Sidonie Bonnec ou Thomas Hugues. Bref, tous les animateurs de la grille de rentrée d'RTL viendront répondre à nos questions pour une émission spéciale. Ce sera donc dans une dizaine de jours pour la dernière de notre émission, Caroline. Ça n'est pas encore, remettez-vous. Caroline Diamant est là. Ah, Dirty Dancing, mais ce qui s'annonce n'est pas dirty puisqu'il s'agit de gagner des beaux séjours à Disneyland Paris. Béatrice, bonjour, c'est vous qui allez être la valeur étalon de cette nouvelle heure. Bonjour Béatrice. Bonjour Caroline. Bonjour Béatrice, bienvenue sur RTL. Bonjour Bruno. Alors Béatrice, vous habitez la Jonchère Saint-Maurice, n'est-ce pas, près de Limoges? Oui. Et vous êtes transporteuse scolaire, donc vous transportez des enfants. Et j'imagine que vous êtes en congé encore, vu que là. C'est ça. Oui. D'accord. Bah, ceux-là, si vous amenez des enfants à l'école, ils vont pas être très contents d'y aller le 17 août. Hein. Déjà, à fin août, ils vont être moyen ravis. Mais alors, en plein milieu de mois d'août, ça va pas être top pour eux. Hein. Oh, moyen ravis. Moi, j'adorais la rentrée des classes. Hein. Oui, moi aussi, le premier jour, parce qu'on avait nos nouveaux vêtements, nos nouvelles affaires. C'est bien pour le lundi, puis le mardi, ça redevient chiant. Oh non, on retrouve les copains et tout, on choisit les trousses. Oui, c'est bien ce que je dis. Le mardi, ça redevient chiant. Moi, j'ai toujours aimé l'école. C'est l'inverse qui s'est avéré plus faux. Alors, vous faites beaucoup de marche à pied parce que vous nous expliquez que là où vous habitez, il y a des petits monts partout. Voilà, expliquez-nous un peu. C'est très joli. Et le plus haut en haut de chez moi est à 700 mètres. Donc ah oui, bon. Quand même. Oui. Ah oui, vous êtes une bonne marcheuse. Moyen. Ah ben moi, monter 700 mètres à pied, perso, je vous place médaille d'or direct. Enfin, c'est pas le Mont Blanc non plus, 700 mètres. Enfin, 700 mètres, quand vous partez de zéro, c'est quand même beaucoup. Oui, mais enfin, bon, ça reste un petit mont, quoi. Mais quand ça monte... D'accord. Alors, quand ça monte, je mets mon labrador Flora devant et elle tire. Voilà. Ah, d'accord. Sinon, au pire, pour que Caroline vienne participer avec vous, vous faites installer un escalator sur la petite montagne. Hein, puis après, elle viendra vous rejoindre. Ou un petit funiculaire, moi, ça me va aussi. Béatrice, je vais vous poser des questions. Oui. Et j'espère que vous aurez les bonnes réponses pour gagner le nouveau séjour à Disneyland Paris que nous mettons en jeu maintenant entre 10 et 11 heures. En êtes-vous d'accord? Ok, d'accord. Béatrice, on va jouer dans 3 minutes. Le temps d'écouter Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, c'est tout de suite sur RTL. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. When you dance, dance, dance, feel good. something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that. Fin de la chanson, cette voix n'appartient pas à Justin Timberlake. Je tiens à préciser. Vous vous moquez de Justin ? Bruno ? Justin Timberlake sur RTL. Le grand quiz de l'été. Caroline Diamant, Bruno Guillon sur RTL. Et jamais me moquer, jamais. Bon, allez, première heure, nous avons eu un gagnant à 1000 euros, plus donc un gagnant pour un séjour à Disneyland Paris. Elle va essayer de faire aussi bien, Béatrice. Béatrice est avec nous depuis la Jonchère Saint-Maurice. Nous sommes en Haute-Vienne, à côté de Limoges. Elle est transporteuse scolaire. Béatrice, je vous pose les questions. Une minute. Si vous ne savez pas, ou si vous savez, mais si ce n'est pas immédiat au niveau de la réponse, le mieux c'est de gagner du temps, et dans ces cas-là, vous me dites que vous passez, d'accord ? D'accord. Eh bien, nous y allons. Top chrono, c'est parti. Selon l'expression, quel insecte peut-on entendre voler dans un profond silence ? Les mouches. Quelle actrice incarne la femme de Kad Merad dans le film Bienvenue chez les Ch'tis ? Zoé Félix. Quelle pierre précieuse les vitriers utilisent-ils pour couper le verre ? Un diamant. Quel chanteur surnomme-t-on Schmoll ? Eddie Mitchell. À partir de quelle légumineuse le tofu est-il préparé ? Du soja. Au rugby, combien de points un essai rapporte-t-il ? 3. Quelle émission hebdomadaire Michel Pollack a-t-il animé de 1981 à 1987 ? Passe. Dans quel sport Joachim Noah s'illustre-t-il ? Basket. Quel terme d'origine arabe désigne un dromadaire au Sahara ? Passe. Au pays de Castille, que vendait le garçon selon Bobby Lapointe ? Passe. Quel détective moustachu a été incarné par Stachy Kitsch à la télévision ? Je sais pas. C'était Mike Hammer. Désolé, j'ai un peu accroché sur Bobby Lapointe, mais c'est vrai que c'était enchantant. Bobby de Castille, c'était pas facile. C'est Truc et Castille. Ouais. Wow. C'était des glaces. On va revenir sur vos réponses avec Caroline. Vous avez raison, ce silence profond, on entend voler les mouches. Je vous propose qu'on écoute Zoé Félix, qui jouait la divine femme de Cadmérade dans Les Ch'tis. Donc je suis en train de regarder Sanary sur mer et les apparts fabuleux. On va traîner pour visiter, hein. Ah, surtout on n'y va plus. C'est pas possible. Mais attends, on m'a proposé autre chose de bien plus intéressant. Où ça? Où ça? À Burg. Vous avez raison, Schmoll, c'est comme ça qu'on appelle Eddie Mitchell. Au rugby, il faut pour remporter un essai. Non, quand on rampe. Attendez, je reprends. Ah, mais ça, de toute façon, on est en train de parler de sport. Oui, donc non. On met le doigt sur le sport. Oui, on met, et vous avez vu, ça y est. Tout de suite, à savoir le blocage. C'est parce que je pensais à mon calendrier suspendu chez moi et ça m'a troublé. Alors, au rugby, combien de points un essai rapporte-t-il? Vous m'avez dit 3, il fallait dire 5. L'émission hebdomadaire que présentait Michel Pollack de 1980. Pas de réponse? Oui, absolument. Je vous propose, vous savez que c'était une émission animée, ça fumait à tout va, ça, on a l'impression que c'était il y a un siècle. Écoutons un extrait. S'il vous plaît. Je voudrais signaler que sur ce plateau ce soir sont venus des invités qui ont chacun le droit d'amener un invité qui se tait, voilà. Qui est assis dans le fond de la salle. J'aurais voulu que ces gens respectent un peu l'émission. Autrement, nous n'inviterons plus les gens que sur l'émission. Mais ça m'est égal, vous ne me respectiez pas du moment que vous vous taisez. J'adorais cette émission. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est d'un autre temps. Un autre temps. Avec le papa de Michel Bernier, le professeur Choron, oui. Qui venait souvent. Et c'était exceptionnel, cette émission. C'est vrai que c'était un nuage de fumée. Un nuage à de fumée. À la fin de l'émission, on ne voyait plus les protagonistes. Oui. On oublie, mais quand on revoit des images de Lina, ouais. C'est impressionnant. C'est vrai. Le terme d'origine arabe qui désigne un dromadaire au Sahara, c'est le mehari. On écoute un extrait de Bobby Lapointe, puisqu'il le garçon vendait des glaces. Au pays d'Agdaragon, il y avait une fille qui aimait le glace citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Et c'est pour ça que j'ai bafouillé, monsieur. C'est vrai que c'est au pays de Castille. Alors en le chantant, ça passe, mais quand on le dit en parlant, ça passe plus. Alors qu'en le chantant, au pays de Castille, il y avait. Je suis désolé. Et enfin, le détective moustachu que Stacy Keach incarnait à la télévision, c'est Mike Hammer. Il est aussi très connu pour avoir joué un peintre dans la série L'amour en héritage. Voilà. Bon, Béatrice. Pas terrible, hein. Mais si, c'est bien. Alors très honnêtement, c'est bien, vous faites 6 bonnes réponses. 6 bonnes réponses, ça peut être suffisant pour gagner le séjour à Disneyland Paris. La réponse, ce sera tout à l'heure avant 11h du matin. D'ici là, Béatrice, vous savez ce qui va se passer? Il y a une montre RTL qui va arriver chez vous. D'accord. Pas d'ici là, je ne suis pas persuadé qu'elle arrive avant 11h, mais enfin bon. Pas en de tout promesse cas, qu'on ne puisse pas dire. Je peux vous demander quelque chose? Mais bien sûr. Celle de mon mari est cassée. Est-ce que vous pouvez envoyer un homme? Mais bien sûr. Alors écoutez, pour qu'il casse sa montre RTL, à mon avis, il a fait passer un tractopelle dessus, car elle est quasiment incassable. C'est que les gens partent dans les missions spatio-temporelles avec les montres RTL, c'est celles qu'ils emmènent. Bien sûr. Et vous faites un gros plan sur le bras d'Armstrong quand il dit c'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. On lui dit oui, mais quelle heure il est? Il est 10h15 à ma montre RTL, il le dit. Ça a été coupé dans les images d'archives, oui, mais il le dit. Ce sera une montre homme pour vous, Béatrice. D'accord. On vous embrasse. Merci. Et peut-être bonne à journée. Tout à l'heure. Merci. D'accord. 32-10. Vous pensez faire autant que Béatrice ou peut-être mieux que Béatrice? Vous voulez jouer avec nous, ça tombe bien. On a envie de jouer avec vous, nous aussi. Vous appelez RTL et vous serez en direct juste après ça. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, c'est cuit. Pour Lidl? Mais pour nous, en ce moment, le Morbihan au lait cru AOP saveur de nos régions, origine France, est à 2,49€ les 250 grammes. 2,49€ le Morbihan AOP au lait cru? Qui l'eût cru? Ah oui, c'est pas tout, hein. 45 jours d'affinage minimum, patron. Non mais j'ai rien, vous t'en faites tout un fromage. Ah, désolé, on est mal, je sais, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 9,96€ le kilo, offre valable jusqu'au mardi 23 août. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Jusqu'au 13 septembre, jusqu'à moins 40% sur les tops de la rentrée chez Conforama. Moi je vous le dis, elle va être top cette rentrée. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions sur Conforama.fr. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Le grand quiz de l'été sur RTL. Aurons-nous un appel mystère ce matin avant 11h? Oui, je pense que nous pouvons le faire. Ah oui, ça, j'aime bien ça moi. Eh bien si vous aimez bien, alors on le fera. Mais pour l'instant, et je sais que vous aimez bien aussi, William Scheller. C'est tout de suite sur RTL en 1983, les filles de l'aurore. Les filles de l'aurore, je peux encore les retrouver. Elles ont tout. Sur RTL. RTL, le grand quiz de l'été. Caroline Diamant, Bruno Guillon. On va faire un petit appel mystère dans moins d'une demi-heure. Je tiens à vous le dire, si vous vous êtes inscrit par SMS ou si vous avez appelé le 3210, il est possible qu'on vous appelle en direct sans vous prévenir auparavant, que vous tombiez directement sur RTL avec Caroline et moi et que bah, et on vous demande si vous avez une minute pour jouer avec nous, pour tenter de repartir avec un séjour à Disneyland Paris à la fin de cette heure. Mais pour l'instant, l'appel n'est pas mystère. Il était hors antenne. Les standardistes d'RTL ont pris soin de lui, puisque c'est comme ça que ça se passe normalement. Leur ont dit Thibaut, tout va bien. Thibaut, ouvrez tous vos chakras. Vous allez passer en direct sur l'antenne d'RTL. Vishnu, Guillon et Gandhi Diamant vont vous accueillir. Et vous serez étendu, vous serez bien. Sur un matelot matelas à clous, certes, mais bien quand même. Bonjour la détente. Bonjour Thibaut. Bonjour Bruno, bonjour Caroline. Bonjour Thibaut, bienvenue sur RTL. Merci à vous, merci beaucoup. Chilty Game. Oui, à côté de Strasbourg. Bah oui, bien sûr. Ingénieur dans la forêt et le bois, c'est bien ça? Oui. Alors, je suis en charge de valoriser le bois dans une association. D'accord. Et donc, j'aide les porteurs de projets à mettre du bois dans les bâtiments qu'ils veulent construire. Donc, je suis en contact avec beaucoup d'architectes et de particuliers qui ont des projets. Voilà. D'ailleurs, mais alors, du coup, vous contrôlez les essences qu'il y a en forêt, la disponibilité pour faire des constructions ou comment ça se passe? Par exemple, oui. Et puis, on s'occupe effectivement de représenter tous les forestiers qui s'occupent de la gestion durable des forêts. Et puis, moi, je suis là pour mettre en lien la ressource disponible et justement les potentialités du bois dans les maisons, que ce soit pour la structure, pour des meubles ou pour du revêtement en extérieur. Voilà. Il peut vous aider pour votre jambe, par exemple. Très bien, très bien. Et puis ouais. Vous écoutez RTL tous les matins. Pourquoi ? Parce que ça envoie du bois. Bah ouais, tout à fait. Voilà. Thibaut, vous pratiquez la danse de salon ? Oui, oui, oui, c'est une passion depuis plus de 10 ans, et donc c'est vrai que ce soit le rock'n'roll ou des danses swing par exemple, c'est des choses que je pratique régulièrement avec grand plaisir. Et voilà. On se fait un petit rock. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock. Around 12 o'clock tonight, put your flat bags on. Join me, we'll have some fun when the clock strikes one. Cette anecdote est vraie, mais la dernière fois que j'ai pratiqué la danse de salon sur un roc, la personne a passé la dévitrée, puisque je n'ai pas réussi à rattraper la main. Je vous jure que c'est vrai. Non. Ah oui, j'ai beaucoup de mal avec la danse de salon. Alors que danser sur du Cathy Melua, dont vous êtes fan, c'est beaucoup plus cool. Ah oui, ça c'est vrai. Voilà. It's a wonderful, wonderful life. Et elle sera belle cette vie, Thibaut. Si vous avez plus de 6 bonnes réponses aux questions que va vous poser maintenant Caroline Diamant, 6, c'est le record à battre pour 7 heures. Il est détenu par Béatrice. Si vous avez plus de 6, vous serez en bonne voie pour gagner le séjour. Et si vous avez 10 bonnes réponses d'affilée, comme l'a fait Eric durant la première heure, vous pourrez gagner un chèque de 1000 euros cash. D'accord, bon, on va essayer. Hein. Est-ce que vous êtes prêt? Oui, tout à fait. Are you ready, comme on dit en Bolivie? Quelle andouille. Top chrono, c'est parti. À quel parfum de sirop est associé le Diabolo chanté par Yves Simon en 78? Fraise. Quel est le nom de la célèbre promenade de Cannes située en front de mer? La Croisette. Quand un agriculteur élève un pré salé, de quel animal s'agit-il? Un mouton. Dans les légendes, qui est inséparable d'Iseut? Tristan. Quel chapeau fait partie de la tenue des membres de l'Académie française? Le bicorne. Combien d'années séparent deux Coupes du Monde de football? 4 ans. Quelle reine est chef d'État de Nouvelle-Zélande? La reine d'Angleterre. Élisabeth II. De qui Gad Elmaleh joue-t-il la doublure auprès d'Ali Staglioni? Mince, comment il s'appelle? Je passe. Quel État européen est surnommé le pays des 1000 lacs? La Finlande. À qui doit-on le tube Upside Down? Je passe. Selon le calendrier, quel nom porte le mercredi qui suit le Mardi Gras? Les cendres. C'est bien, les cendres. Enfin, c'est bien, c'est une bonne réponse. Bien sûr. Alors, Thibaut, il fallait à minima avoir 6 bonnes réponses. Ouais, j'aurais pas beaucoup plus, je pense. Mmh. Ah, mais quand vous dites j'aurais pas beaucoup plus, ça sous-entend que vous pensez en avoir plus. Peut-être, mais j'ai pas été très bon. Thibaut a-t-il plus de bonnes réponses que Béatrice? Le suspense est à son comble. Pendant que nous sommes tous en train de grignoter nos ongles, nous allons faire une petite pause et revenir sur les réponses de Thibaut juste après ça. Les questions de l'histoire. Le rendez-vous incontournable de Stéphane Bern tout l'été sur RTL. Tout le monde sait que l'histoire n'a pas de secret pour Stéphane Bern. Passionnante, inattendue, il nous invite à découvrir les plus grandes énigmes historiques. Les questions de l'histoire. Découvrez-les cet été, du lundi au vendredi, à 7h20, 12h25 et 22h sur RTL. Bonne année scolaire avec Carrefour. Dis Franck, t'as déjà acheté les fournitures de Zoé? Parce que chez Carrefour, on nous garantit le prix le plus bas sur 200 fournitures scolaires de marque. Bien sûr, pas vrai Zoé. Alors, pour les stylos, c'est des Bics. Voilà, et tes cahiers? Des Clairefontaine. Tu vois Val, je te l'avais dit, on a tout trouvé pour la rentrée chez Carrefour. Et même des économies. Carrefour garantit le prix le plus bas sur 200 fournitures scolaires de marque et vous rembourse deux fois la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Modalité sur carrefour.fr. Cahier 96 pages 24x32, grand carreau Clairefontaine, Bicristal assorti par 5. Carrefour. RTL. Le grand quiz de l'été. Caroline Diamant, Bruno Guillon. Thibaut a joué avec nous depuis Shilty Games, c'était il y a quelques secondes en direct sur RTL. Thibaut, nous revenons sur vos réponses. Oui. À quel parfum de sirop est associé le Diabolo chanté par Yves Simon? C'est le Diabolo Monte, film de Diane Curis. J'adore cette chanson d'Yves Simon. On s'en fait un gros extrait. Dans le café du lycée, faut que tu bluffes, que tu mentes. autour des diabolos mentent. Quand tu racontes les nuits du dernier été et les tout premiers amants que tu n'as eu qu'en rêvant, dans tes classeurs de lycée, y a tes rêves et tes secrets. Des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne. Oui, bah on chante en coulisses. J'adore cette chanson. Et je suis fan d'Yves Simon. Très bon écrivain et très bon interprète. Les Gauloises Bleues. Enfin, oui, voilà. Oui, mais je suis fasciné parce que vous connaissez toutes les paroles par cœur. Ah, mais je connais par cœur Yves Simon. Très bien. D'ailleurs, moi, toute la famille Simon, Nathalie Simon, Albert Simon, la météo, tous les Simons, moi, je suis fan. Alors, nous avons eu le présalé, c'est bel et bien un mouton. Vous avez dit Elisabeth, la reine d'Angleterre. Oui, Elisabeth II, vous avez précisé, c'est bon. On a cru qu'on partait sur un chèque de 1000 euros, Thibaut. Ouais, mais... Mais vous, je suis tâte. L'académie, ouais. Sur cette question de qui Gad Elmaleh joue-t-il la doublure auprès d'Alice Taglioni? C'est Danny Boone, non? C'est pour fêter nos 2 ans de liaison. 2 ans déjà? Oui, 2 ans et 9 jours exactement. 2 ans que tu me dis que tu vas bientôt divorcer, mais que tu ne peux pas pour l'instant parce que ta femme est dépressive. Mon chéri, tu sais bien que je t'aime, mais dès que ma femme ira bien. Elle va très bien, ta femme. On la voit partout. Première de théâtre, gala à l'opéra. Elle doit avoir un très bon antidépresseur. Elena, j'ai fait des pieds et des mains pour me libérer aujourd'hui. Je t'en prie, ne me fais pas une scène maintenant. Je ne te fais pas de scène. Je suis en train de te dire que je m'en vais. C'est fini. Tu peux garder ça. Tu trouveras sûrement une pute à qui ça ferait très plaisir. Elena. Et c'est la voix de Daniel Auteuil et non pas celle de Danny Boone. Ouais. L'État européen qui est surnommé le pays des 1000 lacs, c'est bel et bien la Finlande. Et puis vous avez passé sur cette question, à qui doit-on le tube Upside Down Striptease? Diana Ross. Ah oui. Bon, Thibaut, il fallait à minima avoir 6 bonnes réponses. Et vous le sentiez bien, puisque tout à l'heure, vous avez dit, oui, je pense que c'est à peu près, mais en genre un peu plus. Eh ben oui, c'est un peu plus. Vous avez 8 bonnes réponses, Thibaut. Oh là là. Vous êtes en tête pour repartir avec le séjour. Est-ce que ce sera suffisant pour le gagner? Réponse à la fin de cette heure. En tout cas, c'est amplement suffisant pour vous offrir une montre RTL qu'on vous envoie. Merci, bien vite du côté de Shield Game. D'accord, Thibaut? Merci beaucoup. Et on bravo vous embrasse. Pour votre participation à Fort Boyard. Voilà. C'est gentil, merci. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Oui, bah ça y est, moi, c'est ma nouvelle sonnerie de téléphone. Maintenant, quand je reçois un SMS, c'est mon cri. Voilà, c'est ça. On vous embrasse, Thibaut, peut-être à tout à l'heure. Merci, au revoir. Au revoir. Vous voulez jouer avec nous, vous vous êtes inscrit au 3210. Vous avez envoyé RTL au 74 900. Nous pouvons maintenant partir chez vous. Où que vous soyez en France, nous allons vous appeler, ce sera la belle mystère. Que vous soyez chez vous, que vous soyez au travail, que vous soyez en voiture, sur la plage, en forêt, ou que vous soyez près d'un lac, comme Julien Doré. C'est tout de suite sur RTL. Et le lac se dessine. Courageux et fort, où rien ne respire. Corps contre corps, ciel contre cime. La forêt se tord, l'horizon soupire. Tes mains sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire. Pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. Tes mains sur les bords du lac. Amoureux de l'ombre. mais sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent. Mais sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre. Premier extrait du nouvel album de Julien Doré qui va sortir cet automne, c'était Le Lac sur RTL. RTL. Quel est votre signe ? Christine Haas. Peggy Broche. Inscrivez-vous pour participer à l'émission en nous écrivant à astro2016@rtl.fr. Nous vous attendons tous les soirs de 20h à 22h. Moi, quand j'aurai perdu du poids avec Comme J'aime, j'irai faire du shopping direct. Moi, je recommencerai le sport. Et ben moi aussi j'irai faire du shopping. Moi, quand j'aurai perdu du poids avec Comme J'aime, je profiterai de la vie, tout simplement. Nouveau, Comme J'aime lance cet été Turbo Plus pour perdre vos 5 premiers kilos encore plus vite. Testez une semaine sans payer, puis bénéficiez jusqu'à 45% de réduction. En plus, le coaching et la livraison sont gratuits. Appelez tout de suite le 0800 507 507. 0800 507 507. Appel gratuit depuis un fil. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Bonjour, vous êtes toujours sur RTL. On joue. On va essayer de battre 8 bonnes réponses. Enfin, nous, non. Dominique, bonjour Dominique. Bonjour Caroline. Bonjour Dominique. Bonjour Bruno. Bienvenue sur RTL. Dominique. Merci beaucoup. Un sœur sourire. Oui. J'ai eu une patronne qui s'appelait Dominique. On lui a mis ce disque pendant qu'elle était dans une réunion importante. Ça l'a pas fait rire du tout. Ah bon, voilà, pourtant. Je m'en souviens encore. Alors qu'à l'époque où il était patron du FMI, on lui mettait souvent un Strauss-Kahn. Et ça marchait pas mal, vraiment. Oui, il avait la version anglaise, qui est pas mal non plus. Dominique, vous êtes formatrice pour infirmière. Oui. Dans une école. Une école d'infirmières, oui, à Bar-le-Duc. Oui. Voilà, et en posant cette question, Caroline vient de se rendre compte du côté un peu, je vais pas dire stupide parce que je vous respecte trop pour ça, Caroline, mais oui, forcément. Oui, c'est pas dans un garage. Pas dans un garage avec... Excusez-moi mon idiotie, c'est le mercredi matin, j'ai des petites pointes d'idiotie entre 10h38 et 10h39, et après ça passe d'un coup, je redeviens intelligente. Ah bon, j'espère que je serai assez intelligente pour répondre à toutes les questions. Oui. Je vois que vous avez comme passion le marathon et les romans policiers. Nous en partageons une de ces passions. À votre avis, laquelle ? Plutôt les romans policiers, je pense. Je ne sais pas comment vous avez deviné. Marathon, vous pratiquez, Dominique ? J'en ai fait un, mon premier cette année, oui. Waouh, lequel ? À Saint-Dizier, donc le marathon du Der. Donc, on est d'accord, marathon 42 km quelque chose. Voilà, voilà, tout à fait. Moi, je fais très bien le virgule quelque chose en général, c'est les 42 km. Moi, je fais que 39, j'arrive jamais à passer la barre des 40. Et vous courez les 42 km, Dominique? Oui, oui, oui, oui. Alors, moi, je suis admiratif. J'ai battu mon record de running, j'ai fait 10 km, j'ai fait ça il y a 15 jours, je m'en remets seulement depuis hier, je crois. Ah, non, c'est un chapeau. Benabar, vous aimez, ça tombe bien, nous aussi, l'effet papillon. C'est l'effet papillon. Petite cause, grande conséquence. Pourtant jolie comme expression. Petite chose, dégât immense. Dominique, je vous pose les questions. Une minute de questions. Record à battre pour 7h, c'est 8. C'est Thibaut qui le détient pour l'instant, d'accord? Je vous rappelle les petits conseils que j'ai l'habitude de donner avant le questionnaire. Si vous ne savez pas, le mieux c'est que vous passiez. Et souvent, même si vous savez, mais que la réponse n'est pas immédiate, pour gagner du temps et aller vers d'autres questions dont la réponse sera peut-être un peu plus simple, le mieux c'est également de passer. Nous sommes d'accord? D'accord, d'accord. Eh ben, cher Dominique, on y va. D'après Serge Gainsbourg, comment était l'année 69? Je passe. Quel est le petit de la perdrix? Le perdreau. De quel fruit la burla est-elle une variété? La cerise. Quel président de la République était le beau-frère de Roger Hanin? Mitterrand. Dans quel pays sont immatriculées les voitures portant la lettre A? Allemagne. Combien de pièces composent le sari que portent les femmes en Inde? Une. Dans quel domaine Louis Blériot s'est-il illustré? L'aviation. Quel jeu de bistrot claque quand on gagne une partie gratuite? Passe. Quel comédien chanteur chante la Passionata en 1965? Passe. En qui prononce en 1963 le mythique Ich bin ein Berliner? Hitler. Quel condiment en poudre provient d'un piment doux cultivé en Hongrie? Passe. Qui était la longue dame brune qui chantait avec Moustaki? Mouskouri. Quel objet signale le trou sur un green de golf? Le ti. Non, c'est le drapeau. Le ti, c'est ce petit morceau sur lequel on pose la balle de golf, ce petit pic pour faire le départ d'un trou, notamment. D'ailleurs, c'est souvent pour faire le départ d'un trou. On va revenir, Dominique, si vous le voulez bien, sur vos différentes réponses, aux côtés de Caroline Diamant, qui ne se remet toujours pas de la question qu'elle vous a posée tout à l'heure sur la formation des infirmières. Et vous savez que, dans ces cas-là, elle peut bloquer et rire d'elle-même pendant une demi-heure. Mais c'est vrai, écoutez. Remettez-vous, Caroline. Je suis en marche arrière, je me dis, mais comment puis-je demander? C'est pas grave. Franchement, on ne vous jugera pas là-dessus. Il n'y a pas de mal. Allez, Dominique, on revient sur vos réponses et on commence par la première question. Gainsbourg, 69, c'était l'année érotique. 69. Ah oui. Avec la voix de Jane Birkin. Le pays dans lequel sont immatriculées les voitures qui portent un A, vous avez dit l'Allemagne, c'est l'Autriche. Oui. Vous avez raison, c'est une seule pièce qui compose le sari et qui est magnifique quand c'est. Enfin, il faut une sacrée technique pour le faire. Enfin, le jeu de bistrot, ça claque quand on gagne une partie gratuite, c'est le flipper. Ah oui. Ça faisait longtemps. Voilà, hop. Quel comédien chanteur chante la Passionata en 65? Pardon, excuse-moi. Guy Marchand. Guy Marchand. Avec toi, il faudrait toujours vivre. La passionata. Avec toi, il faudrait toujours jouer. Oui, j'aime aussi beaucoup Guy Marchand. Moi, j'adore oui, Guy je Marchand. Je connais les paroles. On lui doit le fameux. Destiné, on était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer. Parce que au-delà d'être un excellent comédien, c'est également un excellent chanteur. Chanteur, crooner avec un charme fou. Nous sommes d'accord. Alors, en 1963, le mythique Ich bin ein Berliner ne vient pas d'Adolf Hitler, mais de John Fitzgerald Kennedy. Allez, In the world of freedom, the proudest boast is prononcé à Berlin-Ouest à l'occasion des 15 ans du blocus en 1963. Le paprika est ce condiment en poudre qui vient d'un piment doux cultivé en Hongrie. Et puis la dame brune qui chantait avec Moustaki, ça n'était pas Nana Mouskouri, mais Barbara. Je suis la longue dame brune que tu attends. Je suis la longue dame brune et je t'entends. Chante encore au clair de la lune, je viens vers toi. Ta guitare de fortune guide mes pas. Quelle voix, Barbara. Bon, Dominique. Il fallait à minima 8 bonnes réponses pour prétendre au séjour à Disneyland Paris. Je suis désolé, ça va être un peu juste. Vous avez 5 bonnes réponses seulement, mais sachez que nous vous envoyons une montre RTL bien vite du côté de Beuray-sur-Saulle. D'accord, Dominique ? Oui, oui. Bah écoutez, j'ai passé un super moment, donc c'était déjà très bien comme ça. Et ben, vous savez quoi ? C'était un moment partagé qui était super pour nous aussi également. On vous embrasse. Plein de baisers. Voilà. Bah, moi aussi. À bientôt. Appel mystère. Vous vous êtes inscrit au 3210. Nous allons peut-être vous appeler en direct. Dans quelques minutes, en direct sur RTL. Et si vous avez envoyé RTL par SMS au 74 900, ça marche aussi. Le temps d'une pause et on arrive chez vous. Avec le petit Théo qui fait un foot. Oui, chaussures de football Agility 500 au pied. Avec leur amorti exceptionnel, ces chaussures lui permettent de dribbler tous ses adversaires. Attention, il accélère et bute. Ah, Théo, meilleur buteur de la saison. Meilleur buteur de la cour de récré. Exactement. Chez Decathlon, du 17 août au 24 septembre, préparez la rentrée à petit prix avec les chaussures de football junior Agility 500 de Kipsta à seulement 19,99€. Decathlon, à fond la forme. Liste des magasins participants sur decathlon.fr. Chers parents, à vos agendas. Chez Intermarché, c'est la rentrée la moins chère de France. Ça démarre quand ? C'est maintenant, avec des prix hallucinants sur la papeterie. À vous les bonnes notes en économie. Notez bien, les prix de rentrée les moins chers de France sont déjà chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Du 16 au 28 août, conditions et magasins participants sur intermarché.com. Le grand quiz de l'été sur RTL. Appel mystère. Maintenant, nous appelons chez vous. Vous vous êtes inscrit par SMS. Vous appelez le 3210. En règle générale, les standardistes d'RTL vous sélectionnent, vous rappellent, vous posent quelques questions pour venir ensuite en direct sur l'antenne. Eh bien, avec alors Caroline, maintenant, nous allons faire le rôle de standardiste. Vous vous êtes inscrit, nous vous appelons, nous partons quelque part en France, tout de suite. Et ça sonne. J'entends la sonnerie. Ah, il y a une musique. Ah. Oui, allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous appelez-vous ? Aurélien. Bonjour Aurélien. Bonjour. Et c'est Bruno, et ah, puis Caroline. Ouais, salut Bruno, salut Caroline, ça va ? Bonjour Aurélien, salut, c'est Bruno et Caro. Aurélien, vous êtes en direct sur l'antenne d'RTL. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez un peu de temps pour jouer avec nous ? Oui, j'ai un peu de temps, oui. Eh ben, vous savez quoi ? On va jouer en direct sur RTL dans à peine 4 minutes, le temps de se replonger en 1983. Give me a time. Inside your eyes. George et le groupe Culture Club en 1983. C'était Do You Really Want to Hurt Me sur RTL. RTL, le grand quiz de l'été. Et nous avons donc appelé Aurélien en direct. C'est notre appel mystère de ce matin. Rebonjour Aurélien. Ouais, salut Bruno, salut Caroline. Ah, j'ai cru qu'il avait perdu la pêche, mais non. Non, non, tout va bien, tout va bien. Aurélien, vous faites quoi dans la vie? Vous habitez où? Eh bien, je suis gendarme et j'habite à Arles, dans le Nord. D'accord. Vous êtes gendarme en vacances ou gendarme bientôt en vacances ou gendarme qui a déjà pris des vacances? Je suis gendarme encore en vacances pour quelques heures. D'accord. À Saint-Tropez? Oui. Oui. Et c'est bien que vous parliez sans le savoir du gendarme de Saint-Tropez. Je fais un petit interlude rapide, mais tout à l'heure, dans l'émission de Sidonie Bonnec et Thomas Hugues, il y a toute une partie de l'émission sur le gendarme de Saint-Tropez et la saga des films avec Louis de Funès. Ce sera aux alentours de midi moins le quart. Voilà, donc je c'est le mon dis. Côté Madame Irma. Mais bien sûr, vous êtes je devine. Aurélien. Oui. Nous avons pour vous des questions. Caroline a pour vous d'ailleurs des questions, pour être très honnête, qu'elle va vous poser. Une minute de questions auxquelles il va falloir tenter de répondre de façon fort judicieuse. Pour d'accord. avoir à minima 8 bonnes réponses, c'est le score qu'a obtenu Thibaut tout à l'heure aux alentours de 10h30. 8 bonnes réponses, cela vous permettra de prétendre au séjour à Disneyland Paris, d'accord mm-hmm. Au-dessus, ouais. Bah, vous êtes quasiment sûr de le gagner. Puis si en plus vous avez 10 bonnes réponses d'affilée, comme ça a été le cas ce matin, juste avant 10h avec Eric, je rajouterai un chèque de 1000 euros. D'accord Aurélien? Eh ben, c'est formidable. C'est à vous de jouer, est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Caroline, est-ce que vous êtes prête? Absolument. Eh bien c'est parti, top chrono. Quel nom d'oiseau donne-t-on à un morceau de sucre trempé dans le café? Passe. Au tarot, quelle carte se situe entre le valet et la dame? L'excuse. Quel sirop Richard Anthony chante-t-il en 1968? Richard Anthony 68, Montalo. Quel fruit à la peau duveteuse et à la chair verte est appelé groseille de Chine? Oh la pêche. Dans notre calendrier, combien de mots finissent par la lettre R? Combien de mois, pardon? Combien de mois? Comment ah non, il y avait deux, pardon. Deux. Comment se prénommait le père d'Antoine de Caunes? Le père d'Antoine de Caunes? Oui. Alors là, je ne sais pas du tout. Dans quel sport Pierre Albaladejo s'est-il illustré? La boxe. De quel instrument joue la fille qui fascine Charlotte Gainsbourg dans L'Effronté? Du piano? Oui, du piano, c'est une bonne réponse. Ouais, c'était difficile hein, ce matin. Aurélien, oui, alors c'est vrai que certains questionnaires peuvent paraître plus difficiles que d'autres. Et puis il y a aussi le stress du direct, Aurélien. Et ça, ouais, on va pas se mentir. Ouais. On peut pas aller contre. Quel nom d'oiseau donne-t-on à un morceau de sucre trempé dans du café? Ça me rappelle quand j'étais petit, où je demandais à mon papa si je pouvais tremper mon sucre dans son cognac. C'est un canard. J'adore un ça. Un canard, ben ouais. Eh oui, ouais. Bien sûr. Au tarot, quelle carte se situe entre le valet et la dame? Vous avez dit l'excuse. Non, l'excuse, c'est un bout. Comme le petit et le 21. Oui, vous parlez un fan de tarot. Ah oui. Oui, j'adore ça. Moi aussi, j'adore. Et là, on se fait une partie tout de suite. Je peux vous faire une garde. Voire une garde contre. Ou une garde sans. Allez, une garde au sans. Pire. Allez. C'était le cavalier. Buvons le sirop typhon. Buvons le sirop typhon. Typhon, universel, panacée. Eh, à la cuillère, ou bien dans un verre. Rien ne pourra nous résister. Richard Anthony chantait donc le sirop typhon en 68. Quel fruit à la peau duveteuse et à la chair verte est appelé groseille de Chine? Vous avez dit la pêche. Quand la pêche commence à avoir la chair verte, faut pas la manger. C'était le kiwi. Oui, dans notre calendrier, il y a deux mois qui finissent par la lettre R. Ouh. À savoir janvier et février. Février, ouais. Le papa d'Antoine de Caunes, monument de la télévision française, que j'avais eu la chance de voir dans un zoo, puisqu'il avait fait une expérience un peu bizarre dans le zoo de la Palmyre en Charente-Maritime, où pendant quelques jours, il avait vécu dans une cage de singes. C'était une expérience pour voir, voilà, comme si c'était, il y avait marqué Homo sapiens devant sa cage. Il avait vécu dans une cage du zoo au milieu des singes. Ouais, extraordinaire. D'accord. C'était Georges de Caunes. Dans quel sport Pierre Albaladejo s'est-il illustré? Vous avez dit la boxe. Mais non, c'est le rugby, Pierre Albaladejo. Oh, ouais. Mais on va mettre ça sur le coup de l'émotion. Alors, il fallait 8 bonnes réponses. Je Aurélien, pense que c'est un peu mort, là. Aurélien, vous ne les avez pas, vous en avez deux, mais ce sera suffisant pour vous offrir une montre RTL et pour vous remercier d'avoir consacré un peu de temps pour jouer avec nous sur l'antenne d'RTL. D'accord, Aurélien ? C'est moi qui vous remercie. En tout cas, je suis content de t'avoir eu, Bruno. Ça fait des années que je t'écoute et c'est vraiment plaisir. Eh bien, si on se tutoie, Aurélien, pense-y la prochaine fois où tu m'arrêtes sur le bord de la route. Ça, j'aimerais te dire. Ça marche. Allez, merci, bonne journée. Au revoir. Bisous, Aurélien. Au revoir. Bon, qui va repartir avec le deuxième séjour à Disneyland Paris que nous offrons ce matin? Réponse juste après la pub. Moi, quand j'aurai perdu du poids avec Comme J'aime, j'irai faire du shopping direct. Moi, je recommencerai le sport. Et ben moi aussi j'irai faire du shopping. Moi, quand j'aurai perdu du poids avec Comme J'aime, je profiterai de la vie, tout simplement. Nouveau, Comme J'aime lance cet été Turbo Plus pour perdre vos 5 premiers kilos encore plus vite. Testez une semaine sans payer, puis bénéficiez jusqu'à 45% de réduction. En plus, le coaching et la livraison sont gratuits. Appelez tout de suite le 0800 507 507. 0800 507 507. Appel gratuit depuis un fixe. RTL Autour du Monde. Bonjour, c'est Jean-Michel Zeka. Tous les jours de l'été dans RTL Autour du Monde, nous vous emmenons à la découverte de ce que la France et le monde comptent de plus incroyable. Recettes improbables, animaux inconnus aux coutumes déroutantes, c'est toute une équipe d'experts insolites RTL qui vous promet un été aussi étonnant que fascinant. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange. RTL Autour du Monde. Aujourd'hui à partir de 15h. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Et donc, y a-t-il vraiment du suspense pour cette deuxième heure? Avec 8 bonnes réponses, et c'est Thibaut qui va partir à Disneyland Paris. Thibaut? Oui. Eh ben, c'est merci gagné. Merci beaucoup. Voilà. Ouais, félicitations. C'est pour 4 personnes. Vous dormez à l'hôtel Sequoia Lodge. Vous aurez l'accès illimité pour les deux parcs Disneyland Paris, Walt Disney Studios. La question, Thibaut, c'est avec qui allez-vous partir? Ben déjà, je vais emmener mon fils. Voilà, j'ai hâte de voir les étoiles dans ses yeux. Et puis après, voilà, je pourrais emmener deux autres personnes. Je pense à ma famille. On trouvera bien. Voilà. Vous savez quoi? Je vous fais confiance. Vous allez pouvoir découvrir le nouveau spectacle Mickey Magicien, chanté avec les héros de la Reine des Neiges dans une fête complètement givrée. Et puis, en plus de cette chambre Sequoia Lodge, nous offrons également les déjeuners. D'accord ? D'accord, super. On vous embrasse, Thibaut. Plein de baisers. Merci. Merci, Caroline. Merci, Bruno. On sera de retour demain, 9h15, en direct, comme chaque jour sur RTL, avec Caroline. Tiens, justement, Caroline. Oui. On parle de vous dans moins de 5 minutes sur RTL. Ah, on parle des diamants, sont-ils éternels? Exactement, sont-ils éternels? Eh bien, si Denis Bonnec et Thomas Hugues vont répondre à cette question, ils parleront également du gendarme de Saint-Tropez. C'est la curiosité est un vilain défaut. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée. Embrassez Laurent Ruquier pour nous, Caroline. Oui, il paraît qu'il est peut-être déjà de passage à Paris. Oui, vous nous avez dit que vous alliez déjeuner avec Laurent Ruquier. Donc je vois qu'il recommence à prendre ses marques avec vous. Vous nous avez oublié bien vite, mais qu'à ce qu'on tienne. On sera là demain, 9h15. Vous écoutez RTL, il est 11h. Les infos avec Arnaud Touche. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Et on fait tout de suite un point sur les JO de Rio de Janeiro. RTL, Rio 2016. Avec 5 nouvelles médailles françaises hier et un podium qui marquera à vie Renaud Lavillenie, le perchiste français a été hué au moment même où il a reçu sa médaille d'argent. Je vous le rappelle, il a été battu la veille par le Brésilien Thiago Braz au saut à la perche. Les basketteuses françaises sont venues à bout du Canada en quart de finale, 68 à 63. Les Bleus seront donc opposés aux États-Unis. Dimitri Bascou a réussi et a remporté la médaille de bronze sur le 110 mètres haies. Médaille d'argent pour Sofia Noumia en finale des moins de 60 kilos en boxe. La française Mélina Robert-Michon, 37 ans, a décroché la médaille d'argent au lancer du disque. Et également en handball, les Bleus affronteront les Pays-Bas en demi-finale. La France totalise donc 29 médailles, 7 en or, 11 en argent et 11 en bronze. Et aujourd'hui, plusieurs chances de médailles françaises. Tout d'abord à 15h, les quarts de finale de handball homme. La France affrontera le Brésil. À la même heure, la deuxième manche de la finale de saut d'obstacle par équipe en équitation. 16h55, la finale du 3000 mètres steeple avec Mayedine Mekessi et Yuan Koval. À 17h, du taekwondo avec les huitièmes de finale femmes pour les moins de